En tout cas, merci encore pour votre invitation. C'est toujours un vrai plaisir de venir parler en Bretagne, mais plus largement parler devant, je dirais, les représentants des minorités, des langues et cultures minoritaires, quelles qu'elles soient. Et je dois dire que nous, Berbères et Kabyles en particulier, on a toujours regardé avec beaucoup d'intérêt et d'attention les situations et les configurations et l'histoire des luttes des langues et cultures des peuples minoritaires, en particulier, bien sûr, dans la Bretagne, mais aussi les Catalans nous ont beaucoup inspirés. Les Kurdes aussi, on a des situations à la fois vraiment très très proches fondamentalement, bien sûr avec des spécificités fortes, hein, l'histoire, la géographie ne sont pas les mêmes, hein, mais en tout cas c'est toujours, la fonction, le heuristique de la comparaison et de l'étude des autres cas de lutte minoritaire est toujours très très intéressante, à la fois pour la compréhension, hein, au niveau strictement, j'allais dire, intellectuel, académique, mais aussi pour ceux qui sont engagés dans la lutte, peut-être aussi pour en tirer des enseignements et clarifier leurs perspectives. Voilà, alors... C'est un vaste sujet que vous m'avez demandé d'aborder, complexe, très diversifié, et j'ai l'habitude, dans ce genre de présentation très générale, de commencer justement par cette carte. On en verra une autre simplifiée, et je dis toujours que cette carte de la berbérophonie, vous voyez, ce sont les points en vert, plus... La grande tache centrale là, qui représente l'aire d'extinction des groupes touareg, hein, blanches. Hein. Sinon, tout ce qui est en vert, hein, sont des zones traditionnellement berbérophones. Hein. On va la voir peut-être de façon plus simplifiée, dans une carte plus schématique, mais peut-être plus parlante. Alors, s'il faut que j'y arrive, ma vue ne m'aidant pas beaucoup, alors voilà, voilà, elle est beaucoup plus schématique et on voit bien, si vous voulez, alors, cette carte, je trouve qu'elle a une puissance pédagogique tout à fait exceptionnelle, parce qu'au fond, si on regarde bien cette carte et surtout si on pouvait... la voir, il faudra que j'étudie ça avec les cartographes de l'université, sur un fond de carte en relief, je pense qu'on a tout, hein, et on peut en tirer toutes les conclusions et tout, je dirais, cerner les problèmes spécifiques du monde berbère et des luttes berbères. Hein, pourquoi ? Parce qu'évidemment, cette carte nous montre un certain nombre de choses de façon immédiate, très très forte, évidente. C'est d'abord l'immensité du territoire, hein, de la frontière égyptienne en réalité. Si moi, il y a un point de berbérophonie en territoire égyptien, là, juste à la frontière libyenne, jusqu'à l'Atlantique, et de la Méditerranée jusqu'au nord du Burkina Faso, hein, avec Ex-Haute Volta. Donc une extension à l'échelle continentale, hein, c'est plus de 3500 km est-ouest et nord-sud. Hein. Je dis toujours à mes étudiants, 3000 km ou plus, c'est Paris-Moscou. Hein. Donc ça nous fait une aire d'extension géographique gigantesque. Donc nécessairement, par voie de conséquence, déjà la donnée géographique induit ipso facto une grande diversité objective, je dirais, des données de base, des données, je dirais, écologiques, anthropologiques, économiques, etc. Hein, les Berbères, c'est des choses très diverses. Vous avez des Berbères sédentaires, de tradition paysanne, l'économie est fondée sur l'agriculture, comme les Kabyles ou les Rifains. Puis vous avez des Berbères de tradition semi-nomade, dont l'économie est fondée sur un petit élevage et une agriculture jouant sur les contrastes climatiques nord-sud, entre zones pré-sahariennes et zones plus méditerranéennes. Puis vous avez des grands nomades, hein, comme les Touaregs, de tradition en tout cas. Et puis vous avez des cultures oasiennes urbaines, hein, comme les Mozabites ou Radames en Libye. Vous voyez. Donc un monde très très divers. Hein, très divers. De ce point de vue-là, l'extension géographique, hein, je dirais, est une chose qu'il faut vraiment avoir en tête, parce que par définition, ça implique l'histoire, les contextes aussi, on va y revenir, géopolitiques, sont divers. Hein. Le second enseignement qu'on peut tirer de cette carte de manière immédiate, c'est effectivement l'extension géographique, mais aussi la fragmentation géopolitique. Hein. C'est 9 États concernés, si on y inclut l'Égypte, hein, puisqu'il y a à peu près 10 à 15 000, peut-être 20 000 berbérophones à Siwa. C'est l'Égypte, c'est la Libye, c'est la Tunisie, c'est l'Algérie, c'est le Maroc, c'est la Mauritanie, c'est le Niger, c'est le Mali, c'est le Burkina Faso, hein, pour parler que des aires d'implantation traditionnelles, hein, auxquelles il faut rajouter les diasporas, qui sont considérables depuis le début du XXe siècle, et le phénomène s'étant accentué à partir des années 60, à partir de la décolonisation. Vous avez des diasporas berbérophones très importantes en dehors de ces zones d'implantation traditionnelles. On dit toujours qu'Alger ou Casablanca sont des villes berbères. Hein. Alger est une ville largement kabyle et Casablanca une ville largement chleu. Et comme vous savez, c'est pas une boutade, on se dispute pour toujours pour savoir quelle est la première ville berbère du monde. Est-ce Casablanca? Est-ce Alger? Est-ce Paris? Est-ce Paris? C'est probablement Paris. C'est probablement Paris. Et les Bretons sont bien placés pour connaître ce type de phénomène, n'est-ce pas? Donc, une diaspora considérable qui a des implications sociopolitiques et politiques directes très importantes. Hein. Donc, une situation complexe sur le plan géopolitique. Hein. On va voir d'ailleurs tout de suite, je ne reviendrai pas sur la question, une autre carte un peu ancienne, un peu datée, qui n'est pas tout à fait à jour. Excusez-moi, Europe. Oui, vous voyez, là, c'est pas une plaisanterie. Voilà à peu près les données démographiques, des évaluations très globales. Hein. Donc, une très très forte présence berbérophone en France, mais aussi en Allemagne, en Espagne, en Belgique, tout le Benelux en fait, hein, la Hollande. Hein, vous voyez, à titre d'exemple, la Hollande, j'ai des chiffres qui sont un peu vieux déjà, une bonne dizaine d'années. Sur à peu près 200 000 personnes d'origine marocaine, on estimait qu'il y en avait 130 000 qui étaient des berbérophones rifains. Hein. En France, on estime, selon les sources, un petit 2 million de personnes d'origine berbérophone est très probable, hein, entre 1,5 million et 2 millions, sur les 4,5 à 5 millions de personnes d'origine maghrébine, on peut considérer qu'il y en a bien 30-35% qui sont berbérophones. Hein. Donc et maintenant, bien sûr, ces phénomènes s'accentuent. Donc, alors, je reviens à ma carte simplifiée. Excusez-moi, j'ai toujours un mal fou. Bon, voilà, ça donne, voilà. Donc, fragmentation géopolitique. Autre élément qui transparaît immédiatement de cette carte, c'est que ce monde berbère, c'est un peu le léopard, là, hein, c'est l'étage du léopard, ce n'est plus un continuum depuis de nombreux siècles. Hein. Toutes ces terres géographiques étaient à l'origine, disons, en gros, hein, je vais très très vite, hein, en gros jusqu'au 10e siècle, si ce n'est totalement, essentiellement berbérophone, hein, de l'Égypte jusqu'à l'Atlantique et de la Méditerranée jusqu'aux zones sahéliennes, avec quand même des incrustations importantes d'autres langues depuis l'Antiquité, hein, le phénicien punique, le latin a été très fortement parlé en Afrique du Nord, on a même des traces indiscutables non seulement une épigraphie latine très importante, mais l'existence d'un usage du latin en milieu urbain tout à fait important. Globalement, on peut dire que jusqu'au XIe siècle, l'essentiel de cette terre géographique était, en tout cas dans ses parties rurales, totalement berbérophone. Hein ? Je dis, les zones côtières et urbaines, c'était plus, sans doute beaucoup plus composite. Hein ? Et progressivement, ce qui s'est passé ressemble beaucoup aux vicissitudes qu'a connu le monde celtique. Cette immense aire d'extension exclusive, hein, quasiment exclusive, parce que toutes ces langues auxquelles j'ai fait allusion, le punique, enfin, la forme occidentale du phénicien, le latin, à partir du 8e siècle, fin du 7e, début 8e siècle, l'arabe, sont des langues allogènes, exogènes, l'apparition en Afrique du Nord est parfaitement datée. Hein. Si vous voulez, cette aire d'extension quasiment exclusive du berbère est, à partir du XIe siècle, hein, si on met de côté ces implantations urbaines un petit peu périphériques, hein, liées aux conquêtes militaires et politiques, hein, l'intégration dans l'Empire romain, l'intégration plus tard dans l'Empire arabe, cette extension, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé, votre batterie, c'est la batterie qui fait, il vaut mieux le mettre tout de suite sur ce terre. Voilà, c'est mieux. Oui, cette aire d'extension gigantesque, hein, à échelle continentale, a été morcelée par un processus de substitution linguistique consécutif, pas immédiatement, mais un peu plus tardivement, à la conquête arabe et à l'islamisation, donc, qu'on date, disons, du début du 8e siècle. Hein. En gros, on peut dire que la conquête arabo-musulmane est acquise en l'an 700, si vous voulez, 710, 700, les derniers combats des berbères contre les arabes, je vous les situe vers 800, 712, comme ça. Hein. Donc début du 8e siècle, la conquête de l'Afrique du Nord par les Arabes est acquise, la conversion au moins nominale à l'islam est acquise, en réalité elle est beaucoup plus lente et beaucoup plus longue et plus complexe. Hein. On entre à partir du début du 8e siècle dans l'orbite arabo-musulmane, mais la substitution linguistique se fait beaucoup plus tard, enfin à partir du XIe siècle, du 1050 en gros. Hein, elle commence à partir de là par l'arrivée de populations arabophones bédouines qui viennent du Moyen-Orient et qui là vont changer radicalement la situation, si vous voulez, c'est que ce continuum va être fragmenté. Hein. Au fond, des populations nomades, bédouines, arabophones vont petit à petit fragmenter et assimiler des groupes berbérophones, en particulier les groupes berbérophones nomades des hautes plaines, des zones pré-sahariennes, etc. Et c'est pour ça que je disais, si on pouvait, je vois ça avec les cartographes, avoir cette carte linguistique, géolinguistique sur un fond en relief, ça serait assez intéressant parce qu'on verrait qu'en fait, l'arabisation est très liée à la géographie. Hein, et en fait, au mode d'occupation des sols, hein, ce sont toutes les zones de haute plaine, toutes les zones de steppe, toutes les zones pré-sahariennes qui ont été arabisées en premier lieu, hein, d'où principalement la Tunisie, puis les hautes plaines constantinoises, oranaises, les zones pré-sahariennes, le Tafil, le Sahara marocain, la grande plaine atlantique marocaine, etc. C'est une aire d'extension en fait de populations nomades, hein, qui assimilent et qui intègrent bien sûr les populations préexistantes. Hein. Et si on avait cette carte en relief, on verrait que ce qui reste de la berbérophonie, ce sont que des régions, je dirais, de relief suffisamment marquées et qui ne sont pas des zones propices à l'extension de populations nomades d'éleveurs. Hein. C'est la Kabylie, c'est les Aurès, c'est le Moyen Atlas, le Haut Atlas, l'Anti-Atlas, c'est le Rif, etc. Alors que toutes les zones de plaine sont arabisées. Hein. Donc il y a un lien vraiment entre géographie et très précisément mode d'occupation du territoire hein, qui est tout à fait évidente. Hein. Donc si vous voulez, ça c'est pour rappeler des données de base, mais ce que cela implique, c'est que au-delà de l'immensité géographique, de la diversité géopolitique, il y a aussi une fragmentation géolinguistique très forte qui s'est mise en place donc à partir du XIe siècle, et on peut considérer que cette répartition géographique de la berbérophonie est à peu près en place au XVIe siècle. Hein. Je dirais que l'arabisation de larges secteurs du territoire est acquise en 3, 4, 5 siècles. Hein. Bon, et ce phénomène se poursuit. Hein. Vous voyez un exemple typique sur ces phénomènes. Regardez là le. La Kabylie est à droite d'Alger, en jaune, et vous avez les Aurès qui sont en marron, un peu plus foncé. On a des cartes des militaires français de 1860. Là, ce sont deux zones séparées hein, par la région du Sétifois. Hein, c'est la région de Sétif. On a des cartes de 1860 de l'armée française qui montrent qu'il y a continuité linguistique entre Kabylie et domaine chaoui, hein, domaine aurétien. Hein. Donc le processus se poursuit. Et il est certain d'ailleurs que ce processus de phénomène tout à fait classique, hein, des phénomènes de sociolinguistique tout à fait classique est largement lié évidemment à la colonisation, à l'ouverture de routes, à des mouvements de population, à des déplacements de population, etc., hein, qui vont bouleverser les équilibres traditionnels. Hein. Donc, en tout cas, ce qu'il faut en retenir pour nous, par rapport à notre réflexion aujourd'hui, qui est, l'aspect lutte politique des Berbères, c'est qu'on a une situation de très grande diversité. Hein, grande diversité induite par l'extension géographique, la fragmentation géopolitique, hein, je reviendrai parce que c'est un aspect fondamental, et bien sûr cette fragmentation géolinguistique qui fait qu'au fond on n'a plus un monde berbère unitaire, hein, de facto, en termes d'espace de communication linguistique et culturelle, mais des espaces berbères. Hein. Ce qui fait que ce qui se passe en Kabylie n'est pas nécessairement identique à ce qui se passe dans le monde touareg ou au Mzab, ou à, pour parler de cas où on connaît des situations conflictuelles dans le Rif, et même à l'intérieur d'un pays, la situation du Rif nord-marocain est très différente de la zone sud, en vert clair, Chleu par exemple, ou la vert un peu plus foncé, hein, la zone tamazire du Maroc central. Hein, à l'intérieur même de chaque pays, les situations peuvent être très différenciées. Hein. Au fond, cette fragmentation géolinguistique induit quand même, des spécificités, y compris politiques, hein, sociopolitique, historique et donc sociopolitique, très particulière. L'histoire de la Kabylie n'est pas celle des Aurès, l'histoire des Aurès n'est pas celle du Mzab, l'histoire du Rif est totalement différente de l'histoire du reste du Maroc. Hein. Ça aussi, ne jamais oublier alors à échelle récente que cette extension géographique est, à partir du 19e siècle, l'intrusion coloniale donne des situations, des contextes géopolitiques, accentue la diversification des contextes géopolitiques. L'Algérie est conquises dès 1830, les zones berbérophones comme la Kabylie, en gros 1857-1870, les zones touareg beaucoup plus tard. Le Maroc n'a pas du tout le même statut, puisqu'on est en situation de protectorat et non pas d'intégration dans la République, comme l'Algérie, qui était département français. J'avais oublié, ça a des implications fondamentales dans l'histoire politique récente. Les Algériens étaient censément citoyens français, ce qui n'était pas du tout le cas des Marocains, avec des tas d'implications. Donc, si vous voulez, l'histoire récente, la Libye, évidemment, a été une espèce de colonie italienne pendant un laps de temps très court. Bon, les périodes récentes ont accentué cette diversité, au fond, la diversité des histoires politiques. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr des paramètres communs à l'ensemble des Berbères, des paramètres anthropologiques et même d'histoire de la longue durée qui sont communs, qu'on va retrouver. Mais l'histoire récente, disons depuis le milieu du XIXe siècle, va accentuer cette diversité. Il y a un autre élément de diversité de cette réalité berbère pourrait le faire apparaître aussi sur cette carte. Il faudrait vraiment que je passe une bonne journée avec un cartographe pour l'enrichir. C'est l'aspect démographique, parce que là, on a un peu écrasé les choses. Il est évident, et là aussi, vous comprenez bien que dans une réflexion de nature plus politologique, plus sociopolitologique, ça a une implication fondamentale. Le poids démographique de ces berbérophones dans ces différents pays est très varié. On va de moins de 1% en Tunisie de la population, c'est-à-dire 100 000 personnes sur 10 millions, maximum. Une langue vraiment menacée en Tunisie. Et ça a un lien direct avec ce que je disais sur le processus d'arabisation. La Tunisie est un pays très plat, un pays de steppe pré-saharienne, etc. Donc les invasions arabes se sont répandues très facilement dans les grandes zones steppiques du sud et remontées progressivement. Donc moins de 1% de la population en Tunisie, un petit 10% en Libye, 7 à 800 000 personnes sur 7 à 8 millions de Libyens. Les chiffres, comme toujours, là, on y reviendra parce qu'il y a des parallélismes très amusants avec la France, sur l'incertitude des chiffres et le refus des États de chercher à savoir combien il y a de berbérophones. Il y a un tabou du décompte qui est tout à fait significatif. C'est vraiment caché ce berbérophone que je ne saurais voir. Et vous connaissez bien ça, l'absence de... Alors évidemment, on justifie, on a la même justification qu'en France, les mêmes justifications juridico-constitutionnelles, le refus de différencier parmi les citoyens, etc. Donc, un petit 10% en Libye, et vous passez à de l'ordre de 20 à 25% en Algérie, et à 30 à 35% au Maroc. Ce qui fait, si vous voulez, des différences démographiques absolument considérables. La berbérophonie algérienne, c'est 7, 8, 9 millions de personnes. La berbérophonie tunisienne, c'est 100 000 personnes maximum. Idem pour le Maroc, 35 à 40% de la population marocaine qui ne doit pas être loin des 40 millions d'habitants, ça vous fait 15-16 millions de personnes. Et vous voyez bien, là, par rapport à notre réflexion sociopolitologique sur l'élite berbère, que ça a une incidence fondamentale. Ça n'est pas la même chose d'être 1% de la population et d'être 35% de la population et d'être 15 ou 16 millions, par exemple, au Maroc, ou 8 millions, 9 millions en Algérie. Hein. Je dirais que vous avez là en Algérie et au Maroc, et c'est pour ça que c'est là que se pose avec acuité la question berbère, entre guillemets, hein. Vous avez des masses démographiques qui sont considérables, qui peuvent peser, ou qui pèsent très clairement dans le cas de l'Algérie, dans l'échiquier politique, et qui sont tellement importantes qu'elles peuvent même remettre en cause les configurations étatiques existantes. C'est quand même des choses. Ça n'a rien à voir. Autant, si vous voulez, en Tunisie ou en Mauritanie, où on a entre 5 et 10 000 berbérophones, ce sont des poussières, des résidus, si vous voulez, souvent en voie de disparition, qui ne peuvent pas poser de véritables problèmes politiques à l'État et au pouvoir en place. Autant dans des pays comme l'Algérie ou le Maroc, vous avez affaire là à des poids démographiques qui sont susceptibles de remettre en cause des équilibres politiques internes. Je dirais que quand on parle de 7, 8 millions, 9 millions de berbérophones pour l'Algérie ou d'une quinzaine de millions pour le Maroc, ce sont des masses démographiques qui peuvent véritablement peser, et y compris sur les configurations étatiques, géopolitiques actuelles. Hein. D'où l'acuité, au fond, de cette question berbère dans ces deux pays particulièrement. Hein ? Aussi en Libye, on verra pourquoi, peut-être si on a un peu le temps, parce que la situation libyenne est tellement complexe. Hein ? Tellement complexe. Je dirais que, bon, je mets de côté le cas Touareg, qui est très, très particulier. Très particulier parce qu'on a affaire à des populations de tradition nomade, à cheval sur des frontières de 5 États, hein, Libye, Algérie, Niger, Mali, Burkina Faso. Hein, donc, une situation très, très, très particulière. On pourra y revenir éventuellement dans la discussion, parce qu'elle pose des problèmes tout à fait spécifiques qui rappelleraient plutôt des situations kurdes que celles des berbérophones nord. Donc on va se concentrer sur essentiellement les trois pays du Maghreb, et principalement l'Algérie et le Maroc. Hein, du fait, si vous voulez, sur l'ensemble, on peut estimer l'ensemble de la berbérophonie mondiale actuellement de l'ordre minimum de 25 millions de personnes, dont les trois quarts sont sur l'Algérie et le Maroc. Hein, c'est l'ordre de 22 millions, hein, sur l'Algérie et le Maroc, 22-23 millions. Donc le reste, si vous voulez, est quand même assez très minoritaire par rapport, hein, même si effectivement le cas des Touaregs, qui ne sont pas très nombreux, font beaucoup parler d'eux, mais dans un contexte très très complexe. Et c'est vrai que la démographie, c'est pas tout. Hein. Après tout, vous savez, par exemple, comme Zab, donc les nord du Sahara algérien, on a depuis une vingtaine d'années une situation plus que de tension, d'affrontements violents. Hein, avec des morts, etc., récurrentes depuis une bonne vingtaine d'années, alors que c'est un tout petit groupe, peut-être de 250 000 habitants, personnes. Hein, mais là, il y a des particularités, là encore, une particularité que je n'ai pas évoquée, mais dont il faut tenir compte, pour comprendre, par exemple, la situation particulière du Mzab ou celle des berbères libyens, c'est que non seulement ces gens sont berbérophones, donc minoritaires, etc., etc., Mais en plus, ils appartiennent à une branche très particulière de l'islam, le kharijisme, enfin l'ibadisme, qui est une branche minoritaire et longtemps considérée comme hétérodoxe par l'islam classique, si vous voulez. Hein, considérée, non pas comme les chiites, si vous voulez, les chiites sont, si vous voulez, sont pas considérés comme des hérétiques, si vous voulez, par la tradition, par la théologie classique musulmane, alors que les ibadites, enfin le kharijisme, étaient considérés vraiment comme quelque chose d'extérieur. Bon, ça n'est plus tout à fait le cas, mais ça a été longtemps. Bon. Donc vous avez des gens qui sont à la fois berbérophones et qui appartiennent à une branche très particulière et minoritaire de l'islam. Hein ? Ce qui explique la pugnacité des berbères libyens, d'ailleurs. Et le fait, on n'en parle pas beaucoup. J'ai pas mal de photos, là, si ça vous amuse. Vous verrez ce qu'on appelle les milices libyennes. Ben, parmi elles, il y a... les berbères sont parfaitement structurés et organisés parce qu'ils ont cette double détermination linguistique et religieuse qui en font des doubles minoritaires. Hein, et on arrive à cette situation très paradoxale qui peut surprendre. Bon, je l'évoque un peu en parenthèse parce que ce n'est pas un point sur lequel je m'appesantirai. Où les berbérophones libyens, le conseil amazir libyen, par exemple, est la seule force qui réclame un État laïque. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que si on met l'islam religion d'État, ça veut dire le sunnisme malékite. Hein, c'est-à-dire la forme dominante de l'islam, et que eux, en tant que minoritaires religieux, ils seront complètement éliminés et non pris en compte. Hein. On a donc des situations très étranges hein, qui sont liées à cette diversité. Bon, elle est marginale, hein, c'est quand même des situations, des données qui... Si on veut comprendre, par exemple, la position des berbères libyens, hein, il faut en tenir compte, évidemment, vous voyez, c'est... Et la double... Attendez, je vais vous montrer quelques photos pour agrémenter un peu notre... J'espère... Non, je ne les ai pas là. Non, je suis désolé, je ne les ai pas là. Attendez. Si, photos de Libye, si, elles sont là. On va essayer de faire un diaporama. Comment on fait? C'est l'affichage, je pense. Ouf, excusez-moi. Oh, je suis perdu. En cliquant sur une des photos, je pense qu'ensuite vous aurez le document avec toutes les photos. Ah, outil d'image. Outil d'image. Alors, attendez. Là, je ne sais pas bien. Alors, gestion. Diaporama. Alors, quelques photos de Libye pour aller. Voilà, des milices berbères libyennes hein, et leur véhicule armé anti-finard. Hein. Ils s'affichent comme tels, hein, pas que. Et un drapeau de la Libye avec des insignes. Vous voyez, tout est en bilingue, systématiquement anti-finard. Et... Bon, ce sont plus ou moins intéressantes, ce sont des proclamations. Vous voyez, le drapeau berbère, c'est donc Jebel Nefoussa. Un de mes étudiants doctorants, un peu fou, qui est... Là, c'est un rat, je pense, oui. Vous voyez, avec toujours le Z berbère, là, hein, toujours de... Donc, la situation libyenne dont on parle beaucoup est certainement beaucoup plus compliquée que ce que disent les médias occidentaux, et en particulier ces milices berbères sont un paramètre hein, tout à fait important, y compris militairement. Bien, je reviens à mon propos... Alors, tableau carte et statistiques, on va voir notre carte. C'est quand même la plus lisible. Ah, pourquoi elle ne s'ouvre pas ? pas l'ouvrir. Bon, j'arrive pas à ouvrir la carte. Bon, c'est pas grave, vous l'avez vu suffisamment. Voilà, alors... qu'en est-il donc des luttes berbères en se concentrant, se focalisant sur ces deux pays, les deux gros morceaux, les deux gros pays comportant la principale population, enfin la part la plus importante de la population berbérophone, c'est-à-dire l'Algérie et le Maroc. Là aussi des situations assez différenciées. Mais globalement, il faut partir des données de base qui est que, au fond, les États-nations nord-africains se sont construits très clairement, et ça, ce n'est pas discutable, c'est des choses parfaitement établies par l'historiographie contemporaine, se sont construits, les mouvements nationaux, les mouvements nationalistes maghrébins se sont construits en référence à une définition arabe et musulmane de l'identité nationale. C'est très clair aussi bien en Algérie qu'au Maroc. Dès les années 25-30, c'est-à-dire dès l'émergence des mouvements nationalistes, au fond, la référence définitoire de l'identité nationale et le projet national porté par les mouvements nationalistes, qu'ils soient marocains ou algériens, on peut dire aussi, et se définit comme arabe et musulman. Et il n'y a strictement aucune place à la composante berbère ou à toute autre composante, parce qu'il en existait d'autres, hein, si on se à ces époques-là, après tout, si vous prenez le cas de l'Algérie, il y avait une population européenne importante, bon, qu'elle était allogène, mais il y avait une population juive considérable, hein, aussi bien en Algérie qu'au Maroc. Hein, bon, il est évident qu'on n'en tient pas compte. Le nationalisme maghrébin est un nationalisme arabo-islamique. Il est même très explicite dès les années 30. Tous les textes fondateurs aussi, de toutes les obédiences, hein, qu'elles soient de pratiquement toutes les obédiences algériennes ou marocaines nationalistes, excluent même de manière très explicite, en tout cas en filigrane, toute référence à la berbérité. Vous avez des textes qui remontent à ces années-là, les années 30, qui sont très clairs, qui vous disent, au fond... vous avez un célèbre triptyque d'un intellectuel musulman qui a été, un inspirateur considérable, pas du tout un militant indépendantiste, mais un inspirateur du mouvement nationaliste, y compris de l'Algérie indépendante, c'est Ben Badis, qui était un intellectuel, un lettré musulman constantinois, auquel toute l'idéologie du FLN, c'est avant et après l'indépendance, s'est toujours référée, dont le triptyque est très clair, l'Algérie est ma patrie, l'islam est ma religion, et l'arabe est ma langue. Point final, fermé. Vous avez là ce triptyque. Alors, il a cette forme particulière en Algérie, vous trouverez exactement la même chose au Maroc, en ajoutant évidemment le roi, la monarchie qui est un élément fondateur de l'État-nation. Si vous voulez, à l'indépendance, tous ces États ont l'islam comme religion d'État, bien entendu, et d'autre part, l'arabe comme langue nationale et officielle exclusive, et exclut toute référence, aucun texte de quelque niveau juridique, qu'il soit constitutionnel, réglementaire ou autre, ne mentionne même l'existence du berbère. J'ai écrit il y a fort longtemps, cette expression de tabou de la nomination, qui est aussi une donnée classique. C'est une façon administrative d'éradication d'une réalité. Vous ne trouverez dans les documents algériens et marocains jusqu'aux années 80 aucune mention du Vermeil, à quelque niveau que ce soit. Parce qu'on est toujours, quand on est obligé de l'évoquer, on va parler de culture populaire, de langue populaire, de composantes antérieures à l'islam, des choses de ce genre. Mais on ne nommera pas. Ou bien le seul lieu, le seul espace où on nomme, particulièrement au Maroc, c'est l'espace touristique. Parce que le berbère, ça fait ventre. C'est tout. C'est tout. Hein ? Mais vous ne trouverez jusqu'au milieu des années 80 aucun texte, de quelque niveau que ce soit, officiel, hein, constitution, loi, règlement, etc. Même dans les même dans les actes notariés ou les procès-verbaux de gendarmerie, par exemple, il est interdit, il est exclu de mentionner que la déposition est faite en langue berbère. On dit en langue populaire. Hein, j'ai des actes de ma famille où c'est formulé exactement comme ça. Hein. Bien, donc si vous voulez, les politiques linguistiques et culturelles qui se mettent en place aux indépendances, au fond, sont la mise en œuvre d'un programme d'orientation idéologique qui sont en place dès les années 30. Hein, 25-30 en gros, dans les nationalismes respectifs. Alors vous allez me dire, une question d'histoire politique un peu intéressante, pourquoi, comment se fait-il, alors qu'il y a des telles populations berbérophones, comment se fait-il que les berbères se sont laissés embrigader dans cette aventure de projet national algérien ou marocain, défini comme arabe et musulman ? Vous avez des explications multiples, un peu différenciées selon l'Algérie et le Maroc. Au Maroc, il y a une explication très simple. Les Berbères sont constitués à cette époque une masse gigantesque. Hein. Tout le monde rural berbère, atlasique, était berbérophone. Enfin, toute l'Atlas marocain, dans toutes ses composantes, était berbérophone. C'était les deux tiers du territoire. Mais c'était une population complètement marginalisée par rapport au centre intellectuel, politique et de décision. Hein, les élites marocaines de ce pré-indépendance étaient toutes urbaines et arabophones, essentiellement Fassi, hein, ville de Fès, et de Rabat, hein, essentiellement. Hein. Au fond, les Berbères étaient des paysans incultes, on dit souvent, je ne sais pas si c'est vrai, qu'à l'indépendance, il n'y avait pas un Berbère bachelier. Bon, c'est sans doute un peu excessif, il y en a toujours un ou deux qui se glissent quelque part, mais enfin, la scolarisation n'existait pas dans le monde rural, etc. Très exceptionnel, en tout cas, où elle pouvait toucher les fils de caïd, des choses comme ça, mais enfin, le monde rural marocain était très, très, très marginal. Parlons pas du Rif, où là, l'Espagne, c'était protectorat espagnol, hein. Là c'était encore pire que tout. Bon, l'investissement scolaire, par exemple, espagnol est à peu près inexistant dans le Rif. Il y a quelques Rifains qui sont allés en Espagne ou autres, les fils de caïd ou autres, qui ont pu acquérir une certaine instruction. Mais enfin, donc, pour le Maroc, on voit assez bien les Berbères jusqu'à l'indépendance. Sont des paysans incultes en dehors de ces réseaux. C'est une masse de manœuvre, hein, ceux qui vont fournir éventuellement les troupes, mais rien de plus. En Algérie, la situation est différente. Et ça, c'est plus étonnant. Hein, ça mérite qu'on... Bon, c'est un vaste débat. Pourquoi ? Parce que dans le nationalisme algérien, les Berbères kabyles ont joué un rôle décisif, considérable dès l'origine. Hein. Le premier... Sans entrer dans l'histoire politique de l'Algérie, le premier mouvement nationaliste algérien, l'Étoile nord-africaine, est fondé en 1926 à Paris par des émigrés, donc ouvriers. Sur les 10 personnes fondatrices, il y a 9 kabyles. Et on décide de nommer président Messali Hadj, le seul arabophone tlemcénien. Ben c'est déjà, je crois que là vous avez déjà la réponse. Ça veut dire que le complexe d'infériorité est tellement intégré déjà à ces était traditionnellement tellement présent. Le berbère, c'est vraiment, excusez-moi, mais c'était le plouc, un analphabète qui parlait pas la langue du Coran, inculte, paysan. Toutes les dénominations en arabe dialectal des groupes berbérophones sont toutes péjoratives. Sans exception. Hein. Leur étymologie est très claire. Hein. Chaoui, c'est. Ça veut dire éleveur de moutons. Hein. Kabyle, c'est rabbin. Les tribus, c'est-à-dire les gens hors de l'État, les sauvages. Hein. Les gens qui ne sont pas dans l'État, qui n'ont pas l'écrit, qui n'ont pas des caddies, qui n'ont pas une justice organisée, qui vivent dans l'état de sauvagerie, hein, et ainsi de suite. Il n'y a pas une dénomination en arabe dialectal qui ne soit pas négative. Hein, des paysans incultes, analphabètes, qui ne connaissent pas la langue de Dieu, et qui vivent hors de l'État et dans l'état de sauvagerie et en organisation tribale. Jamais oublier que la culture, la civilisation arabo-musulmane hein, est fondamentalement une civilisation urbaine, hein, scripturaire et urbaine. Donc tout ça, c'est évidemment... C'est très explicite hein, dans les sources arabes médiévales, etc. Hein, c'est... Donc, on estime, autre repère, Aït Ahmed, qui était un grand homme politique nationaliste kabyle, qui est mort récemment, il y a quelques mois, un des principaux leaders, chef du FLN, qui a passé sa vie en exil, évidemment, dans un de ses. Donner les chiffres suivants, en 1949, au congrès de l'ancêtre du FLN algérien, le PPA-MTLD, sur 14 000 militants encartés, il y avait 11 000 kabyles. C'est très étonnant. Et pourtant, ils se sont. Je crois que là, on a. Je dirais l'inscription dans l'action politique de ce refoulement, de ce complexe très profond, hein, de beaucoup de berbérophones jusqu'à une époque toute récente, de marginalité, de marginalité par rapport à la langue du Coran, de marginalité par rapport à la ville, de marginalité par rapport à la culture savante, etc. Et de marginalité du vaincu. Vous savez qu'une des étymologies populaires qui est fausse du mot kabyle, c'est dire, c'est le référer à une autre forme arabe qui veut dire nous avons accepté. L'islam, hein, tableau. C'est une des étymologies populaires, mais qui est très symptomatique de ce rapport de domination, au fond, intégré. Hein. Ils ont accepté. En gros, on leur a imposé, vu de l'autre côté. Et vous savez bien que cette idée est très, très présente dans l'historiographie arabe. Vous regardez les grands classiques des sources arabes médiévales. Les Berbères sont perçus comme un peuple qui ont une nation, comme dirait Ibn Khaldoun, qui a résisté farouchement aux Arabes et qui est allé jusqu'à apostasier jusqu'à 13 fois avant qu'on leur impose l'islam. Donc cette image du Berbère un peu... Bon, ils sont musulmans, certes, mais il a fallu leur taper beaucoup dessus pour qu'ils le deviennent. Hein. Elle est très présente. Hein. Et ils se retrouvent... y compris dans des formes inattendues à époque moderne, par exemple le nationalisme maghrébin se réfère à la tradition urbaine, classique, sunnite de l'islam. Et un de ses axes, outre la valorisation de la langue arabe, hein, il est dit dès les années 30, dans les mises et milieux nationalistes algéro-marocains, des citations que je peux, auxquelles je peux vous envoyer, quiconque s'éloigne de la langue arabe s'éloigne de la voix de Dieu. Hein? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire si vous êtes croyant? C'est explicite dans la doctrine, dans l'idéologie réformiste musulmane du XXe siècle. Donc cette situation au fond d'infériorité intégrée est très très profonde. Hein. Très très profonde, notre langue ne s'écrit pas. Ça aussi c'est thématique classique. Hein. C'est ce qui permet de comprendre. Et puis il y a d'autres aspects qui est fondamental pour l'Algérie, moins pour le Maroc. Un autre aspect, c'est la situation coloniale. J'ai eu l'occasion personnellement j'avais de très bonnes relations avec des gens comme Maït Ahmed, je le voyais très souvent en Suisse, et j'interviewais très souvent non seulement Maït Ahmed, mais d'autres gens comme Maït Amran, hein, tout ça de bons kabyles qui ont participé activement au mouvement national algérien et à l'indépendance, à la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Maït Amran, qui est le principal, qui est mort aussi, qui est le principal compositeur de chants berbéro-nationalistes, de chants nationalistes algériens en langue berbère. Ben, ça a existé. Et oui, quand vos militants sont essentiellement kabyles, il faut bien que les champs de marche, les champs de mobilisation soient en langue berbère. Hein, donc, on a. Eh bien, ils répondaient tous de la même façon. Quand vous leur posez la question pourquoi, alors que vous étiez majoritaire dans le mouvement national algérien et dans les ancêtres du FLN, pourquoi vous n'avez pas imposé une définition plus conforme à la réalité de l'identité nationale. Hein. Certains ont essayé, mais ils ont été vite balayés. Hein. Il y en a, ce n'est pas inexistant, mais la majorité n'a pas suivi. Font une approche qui aurait été de dire l'Algérie est arabe et berbère, bon, point final. Hein. Ils vous répondent tous. Et Aït Ahmed l'a écrit, je pense, dans son ouvrage Mémoire d'un combattant, qui date de 80. Et moi, Aït Amran m'a dit en kabyle très clairement, j'ai dû l'interviewer en 84, c'est déjà vieux, il me disait en kabyle une très jolie formule, à qui celui qui aura été capable de traverser la mer pourra facilement traverser une petite rivière. Au fond, la mer, c'était la lutte anticoloniale. Et la petite rivière, c'était la défense de la langue et de la culture berbère. Au fond, pour eux, très clairement, en termes politologiques, en termes, je dirais, politiques, le combat pour l'identité, la langue et la culture berbère, le droit à l'existence, c'était un combat secondaire. Le combat principal était la lutte anticoloniale et la libération nationale. Le reste, c'était un petit problème qu'on réglera après. Bon, ce en quoi ils se sont beaucoup trompés, mais enfin, hein, voilà le contexte. Je crois qu'il faut se remettre, là aussi, il ne faut pas faire non plus du chronocentrisme, hein, il faut se remettre dans ce contexte. Il est vrai que pour des militants politiques, des intellectuels maghrébins des années 20 ou 30, la puissance coloniale française devait apparaître comme quelque chose de gigantesque, était très difficile à vaincre, alors que c'est vrai, pour nous, il est facile de dire maintenant, c'est vrai que ça c'est le recul hein, que nous donne le temps, de dire que de toute façon le système colonial était condamné, il était condamné, il aurait disparu de toute façon, comme a disparu l'apartheid, etc. Bon, c'est sans doute une illusion d'optique de l'époque, mais c'est comme ça, surtout après 1945, hein, où on sait très bien à la fois les Soviétiques et les Américains voulaient démanteler, étaient contre les empires coloniaux britanniques et français. C'était une question de quelques décennies au maximum. Hein. Mais je pense qu'il est bon de remettre en contexte pour comprendre un petit peu pourquoi des populations aussi importantes et, dans le cas de l'Algérie, aussi impliquées dans le combat national sont passées à côté de la plaque et se sont retrouvées dans des pays qui, à l'indépendance, première constitution, l'arabe est la langue officielle et nationale, point final. Hein ? Et donc, pour aller un peu plus vite maintenant, excusez-moi, je parle beaucoup, le résultat, c'est qu'aux indépendances, les politiques linguistiques et culturelles qui se sont mises en place dans tous les pays d'Afrique du Nord, ce sont les politiques fondées sur l'arabisation, aussi, c'est très important, et ça n'est pas sans le lien avec les situations actuelles d'ailleurs, la réislamisation de la société. Hein, ça, c'est une des thématiques classiques du mouvement national. Mais en tout cas, l'arabisation est fondamentale, c'est la ligne juste exclusive. Il faut que non seulement que la langue arabe classique, bien sûr, réoccupe les espaces qui jusque-là étaient occupés par le français, hein, dans l'administration, l'enseignement, etc. Et alors, parfois en filigrane, parfois explicitement en Algérie, pour parachever l'unité nationale, il faut que la berbérophonie disparaisse. C'est très explicite dans la doctrine du FLN algérien. Ça l'est moins au Maroc. C'est très explicite dans chez les idéologues nationalistes. Mais ça n'est pas l'État qui s'exprime comme ça. Ça n'est pas la monarchie qui s'exprimerait ouvertement en disant « bon, il faut que la berbère disparaisse ». Mais l'idéologie dominante est très clairement, encore jusqu'aux années 80, vous avez des textes aussi bien de l'extrême gauche. Ça, c'est très intéressant aussi, hein, cette question, c'est un débat qu'on peut avoir. On voit très bien qu'il y a les ennemis des minorités se trouvent aussi bien à gauche, et parfois même dans l'extrême gauche, que du côté des droites traditionnelles, etc. Hein, c'est très net au Maroc. Hein, le nationalisme arabe, arabiste, anti-berbère, est parfaitement bien illustré aussi bien du côté de l'Istiqlal, parti traditionnaliste de droite, que de l'extrême gauche, y compris, et très tardivement. Hein, au fond, le berbère est perçu comme un obstacle à l'unité nationale et un danger pour l'unité nationale et un cheval de Troie potentiel, ça c'est le discours d'extrême gauche, pour l'impérialisme et le néocolonialisme. Et ça, là je vous passe, il y a des revues de presse tout à fait systématiques qui sont faites par les militants berbères, chose très amusante, chaque fois que vous avez une crise en milieu berbérophone, particulièrement en Kabylie, ça ne rate jamais. Systématiquement, vous avez mis en avant la main de l'étranger. L'étranger, c'est qui ? Alors, selon les époques, l'impérialisme américain, le néocolonialisme français, le sionisme israélien, bien entendu. Hein, les Kabyles, on a été systématiquement taxés d'alliés d'Israël. Hein, puisqu'on remet en cause l'unité et l'identité arabe, c'est qu'on est quelque part objectivement, et non seulement objectivement, mais très souvent dans la presse algérienne, ça a été très explicite, l'action des services secrets français, israéliens est mise en avant. Hein, c'est un leitmotiv, et ce qui d'ailleurs en filigrane traduit bien cette angoisse et cette crainte qui nous renvoie au poids démographique des berbérophones, tout simplement. Hein. C'est que ce n'est pas une petite affaire pour les États en place. C'est une affaire difficile à gérer et qui potentiellement est porteuse de déstabilisation. Hein. Des politiques très ouvertement, au moins jusqu'au milieu des années 80, très anti-berbères. Tout enseignement du berbère est banni. Hein, il existait des enseignements universitaires du temps de la France, à Rabat comme à Alger, qui disparaissent. L'édition est interdite. C'est pour ça que tous les berbères, ils ont et berbères algériens, écrivains ou universitaires, on publie jusqu'aux années 90 en France ou à l'extérieur. Hein. C'est pour ça que tous les doctorats de Verwer ont été soutenus. Il fut un temps où je tenais une bibliographie systématique des études Verwer. Jusqu'aux années 90, tous les doctorats ont été soutenus à 90% en France, sur 150 à peu près. Vous en avez plus de 120 en France, le reste, quelques-uns aux États-Unis, en Angleterre, etc. Les études, même au niveau académique, hein, ça c'est quand même des choses. Le Verwer est banni. Hein, ce n'est même pas un objet d'étude admis. Donc, une situation de très grande répression, de très grande exclusion. Toujours pour l'anecdote, les grands écrivains et berbérisants Kabil Mouloud Mamri, qui est mort en 89, qui était diplômé, qui est donc un romancier de langue française, mais en même temps berbérisant, anthropologue, qui a publié pas mal de choses sur la poésie kabyle, sur le Touareg, sur le Gourara, le berbérophone du Timimoun, la région de Timimoun. Bon, donc, qui avait cette double casquette, si vous voulez, d'homme de lettres, de romancier de langue française et de berbérisant. En 62, à l'indépendance, donc c'est quelqu'un qui... Il était enseignant de lettres classiques et donc de culture française bien sûr. Et il était diplômé de Verwer des langues zo de l'INALCO. Et en 62, il m'a raconté lui-même. C'est un témoignage que j'étais vraiment en direct. Hein, quelqu'un que j'ai beaucoup fréquenté quand j'étais plus jeune. J'étais en Algérie. Il m'a dit en 62, je me suis pointé. Gouvernement provisoire de l'Algérie auprès du ministre de... Enfin, il ne portait pas le titre de ministre, c'était encore un gouvernement provisoire. Donc, le ministre de l'Éducation nationale, qui se trouvait d'ailleurs être un kabyle. Et je lui ai proposé, puisque le titulaire de la chaire de Verwer, André Picard, était parti avec tous les pieds noirs, je lui ai proposé de prendre sa succession et de me demander de m'autoriser à maintenir l'enseignement du Verwer à la faculté des lettres d'Alger. Et le ministre lui répond, mais enfin, Mouloud, tu sais bien que le Verwer, c'est les Pères Blancs qui l'ont inventé. C'est le genre de discours tout à fait courant, hein, tout à fait courant. Au fond, ça veut dire, bien sûr, les gens ne sont pas bêtes au point de croire à ce qu'ils disent, ça veut dire que la conceptualisation, l'érection en objet même d'étude, elle est exogène, elle est française, elle est liée à l'université française, et donc, de ce point de vue-là, c'est condamnable, et au fond, il ne faut pas que vous soyez un objet d'étude, même à ce niveau-là, ne parlons pas d'une implémentation sociale, d'un enseignement du Verwer, c'est des choses complètement exclues, hein, complètement exclues. Donc cette situation va perdurer jusqu'aux années 80, à peu près, avec de solides cas de répression en zone berbérophone, en particulier en Kabylie, la première insurrection de Kabylie en 63, insurrection armée, l'Aïd Ahmed, bon, qui va finir. Des répressions armées au Maroc, dans le Rif, 58-59, aussi très violentes, dont on commence à parler sérieusement maintenant. Hein. D'ailleurs, des étudiants enfin, qui travaillent sur la question. Bien, en tout cas, un rouleau compresseur et un laminage d'arabisation, une exclusion de tout ce qui est berbère. Évidemment, le travail, la lutte souterraine a continué dans des conditions extrêmement difficiles en Algérie parce que, autre particularité de l'Algérie, jusqu'en 89, nous sommes dans un système de parti unique, hein, avec une constitution à la soviétique, parti unique, syndicat unique, presse unique, édition unique, tout est contrôlé par l'État, pas de droit d'association, les associations doivent être patronnées par le FLN, sinon elles n'existent pas, hein, avec procédure d'agrément préalable, hein, qui est patronage obligatoire du FLN, donc si vous voulez, pas même une association culturelle, hein, je veux dire, ça n'existe pas. C'est moins violent au Maroc, où formellement on est dans un pays la Constitution reconnaît le pluripartisme, et bon, etc., même si les épisodes de répression sont extrêmement violents et sanglants au Maroc, sous Hassan II, il n'empêche que formellement, bon, il n'y a pas cette chape absolue. Le résultat, c'est que toute cette militance berbère, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit plus politique, se déplace en émigration, et c'est en émigration, et c'est à Paris, que l'essentiel du travail, à la fois politique et culturel, je dirais, d'affirmation identitaire, de développement d'outils, y compris linguistiques, si vous voulez, de travail même pédagogique, se fait. Hein. Le rôle de l'émigration, en particulier kabyle en France, est absolument fondamental. Et autre aspect, moi je suis souvent assez dur avec mes collègues sociologues et politologues de l'Afrique du Nord qui sont trop dépendants des sources officielles. Il y a des objets comme ça qui sont très amusants. Vous avez vu tout à l'heure des tiffinards, là, libyens, enfin, dans des documents libyens, ou sur les véhicules armés libyens, là. Ces tiffinards, donc cette écriture ancienne, antique, des Berbères, en fait, ont connu, étaient sortis de l'usage en Afrique du Nord, à part les Touaregs qui les utilisaient réellement. Hein. Pour le reste, c'était une réalité archéologique pour les Berbères du Nord, ou dans les décors, dans les poteries, des choses comme ça, mais enfin, ça n'était plus d'usage depuis des siècles. Il n'y a vraiment que les Touaregs. Vous voyez, comme quoi les questions de langue, de culture sont extraordinairement politiques dans ce type de contexte. En 70, enfin entre 68 et 75 précisément, une association radicale kabyle berbère basée à Paris, l'Académie berbère, prend l'initiative de relancer l'usage des tiffinards. Groupe militant radical, très identifié, on connaît qui se réapproprie cette écriture et qui la diffuse en milieu d'abord kabyle. Alors, précisons tout de suite, c'est une version nettement modernisée de cette écriture, réadaptée, ce que j'appellerais des néo-tiffinards, parce que traditionnellement, on ne notait pas les voyelles, etc. Il y avait un certain nombre de problèmes techniques assez sévères. Ces gens, ce groupe militant basé à Paris, dont beaucoup de gens étaient sous inculpation en Algérie d'ailleurs, des gens comme Bessaoud qui a été je crois même condamné à mort, lance un petit bulletin renéotypé comme on faisait dans ces années-là, un succès invraisemblable dans la jeunesse kabyle. Ça se diffuse dans toute la Kabylie, dans le monde des lycéens, étudiants, etc. Malgré une répression terrible, 77, des lycéens de 17 ans sont condamnés à 2 ans et demi de prison pour détention du bulletin de l'Académie berbère. Hein ? On fait de la prison pour la détention d'un bulletin, d'un alphabet berbère. Hein ? En Algérie. Moins violent au Maroc, hein, je ne ferai plus. Eh bien, ces néo-tiffinards réappropriés, diffusés par un groupe radical basé à Paris, vont se diffuser dans le monde associatif berbère, dans toute l'Algérie et au Maroc, réappropriés par les associations marocaines, et il est devenu la notation officielle de l'Institut royal pour la culture amazigh au Maroc, depuis 2003. Et vous les retrouvez en Libye. C'est-à-dire que cet exemple est extrêmement intéressant sur les réseaux et la diffusion souterraine transétatique. Il y a bien une fragmentation géopolitique, mais elle est quand même large. Enfin, les frontières ne sont pas étanches, elles sont totalement poreuses. Et un des lieux de porosité, c'est les migrations. Classiquement, c'est l'émigration. C'est là où des Berbères marocains, des Berbères libyens, des Berbères algériens peuvent se rencontrer, pouvaient se rencontrer sans difficulté, y compris dans les grandes périodes de répression au Maroc ou en Algérie. Donc, si vous voulez, ce travail a continué de manière souterraine, avec un événement absolument fondamental et qui est reconnu par tous, par tous les groupes berbérophones, c'est le printemps berbère de 80 en Kabylie. Pourquoi ? Alors, c'est pas parce que je suis kabyle, mais c'est, bon, c'est vraiment une donnée tout à fait documentée. C'est parce que pour la première fois, on assiste à un phénomène totalement nouveau. Jusque-là, on avait des groupes militants clandestins, pour l'essentiel, ou des groupes associatifs à visée strictement culturelle. Des intellectuels isolés, j'ai cité tout à l'heure le cas de Mamri, mais on peut citer Feraoun, on peut citer des instituteurs kabyles, on peut citer Taoussam Rouche, hein, que certains d'entre vous, les Amrouche, Jean et Taoussam Rouche, que certains d'entre vous connaissent, des projets de traduction de certains textes en breton d'ailleurs, avec des collègues d'ici. La mère des Amrouche est enterrée d'ailleurs en Bretagne, pas très loin d'ici. Bien, donc au fond, jusqu'en 80, le phénomène, je dirais, de prise en charge, qu'il soit politique, qu'il soit culturel, les deux étant intimement liés, est un phénomène, je dirais, de groupe restreint, clandestin ou en émigration, dont on ne connaît pas réellement, il est difficile. On peut comprendre que les politologues du Maghreb, sociologues du Maghreb, ne l'aient pas vu, bien que ce n'est pas normal. Bon, enfin, ça c'est un autre problème. Parce qu'on pouvait écrire des traités de sociologie politique sur l'Afrique du Nord jusqu'en 80, sans même évoquer les Berbères. Hein. Ça, vous regardez les travaux de cette époque-là, c'est terrifiant. Hein. Ça n'existe plus. Hein, ou alors quand on les évoque, c'est très clair, hein, y a j'ai souvent utilisé des citations des géographes, des sociologues, qui disent « bon, Ahmed Berber est résiduel et politiquement fini, hein, ce n'est plus un paramètre politique ». Ce qui s'est passé en 80 est décisif sur ce plan-là, c'est que pour la première fois, on a non pas des écrits, ou des suppliques, ou des demandes d'intellectuels, ou des travaux de groupes, de groupuscules, dont on ne sait pas très bien quelle est l'implantation sociale, quelle est la signification sociale. On a réellement une explosion populaire avec des affrontements de masse qui vont durer plusieurs mois en Kabylie et qui vont impliquer toute la population, pas simplement les universitaires. Bon, le centre névralgique, c'est l'université de Tizi Ouzou, bon, qui est prise d'assaut le 20 avril 80, mais bref, c'est des grèves générales, c'est la population, bon, des affrontements pendant des mois. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire connue, une région berbérophone, de façon massive et significative, malgré la répression, malgré la Cour de sûreté de l'État, qui à l'époque était en activité intense, vont affronter les forces répressives de l'État algérien. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment une rupture. Et c'est pour ça que le 20 avril, le printemps berbère, est fêté dans tous les groupes berbérophones au Maroc, etc., comme une date repère, parce que, je vous dis, c'est la première fois qu'on a vraiment un phénomène de masse et que ça devient un phénomène sociopolitique. Et c'est à partir de 80, pour comprendre la situation actuelle, excusez-moi, je ne sais pas combien de temps il me reste encore, mais il faudra que j'arrête, là, je pense, c'est à partir de là qu'on va voir évoluer progressivement la politique des États algériens et marocains sous la pression donc de ces revendications particulièrement fortes en Kabylie, mais qui ont des répercussions quasi immédiates et un écho immédiat au Maroc. Et je dirais que de ce point de vue-là, à partir de 80, on ne peut pas comprendre la situation au Maghreb sur cette question berbère si on ne met pas en parallèle les deux pays. Il y a une un parallélisme avec un léger décalage temporel dans la chronologie qui est très impressionnant. Très, très impressionnant. Je veux dire qu'on voit très bien que le Maroc, pendant une quinzaine d'années, suit l'Algérie et anticipe en fonction de ce qui se passe en Algérie. Et ensuite, on anticipe carrément. Il y a vraiment une espèce de course là. Comment, au fond, si on est optimiste, répondre à cette demande, cette pression sociale, ou si on est plus réaliste, comment neutraliser et contrôler cette demande sociale extrêmement forte, hein ? Ce qui va entraîner des mutations, y compris juridiques, très importantes, formellement, qui n'ont à peu près aucune traduction concrète, mais enfin qui sont quand même importantes au niveau symbolique. C'est l'introduction d'un enseignement facultatif de langue berbère en Algérie à partir de 1995. C'est la reconnaissance dans la constitution algérienne à partir de 2002 d'un statut de langue nationale au berbère à partir de mai 2002. Langue nationale alors que l'arabe reste langue officielle et nationale. C'est la reconnaissance au Maroc, je passe les détails, à partir de 2003 au Maroc, la création de l'IRCAM, l'Institut Royal pour la Culture Amazigh, qui est chargé de la promotion de la langue berbère, et la mise en place d'un enseignement censément obligatoire, mais on va voir un peu, de berbère au Maroc. Et c'est l'intégration dans la constitution marocaine comme seconde langue officielle du berbère partant juillet 2011. Et c'est en février 2016 l'intégration du berbère en Algérie comme seconde langue officielle à côté de l'arabe. Donc veuillez, je vous enverrai tout ça. Vous avez un tableau chronologique qui montre très très clairement c'est que au fond les pays... C'est la course à l'échalote. Qu'est-ce qui se passe à côté? Comment on va anticiper, éviter, que les choses prennent une tournure politique dans la rue. Alors, donc, une évolution sensible depuis une petite vingtaine d'années, y compris donc au plan juridique, mais j'étais très long sur le préalable, il faudrait consacrer vraiment toute une journée en fait. Quand on regarde de très très près les choses, même si je dois reconnaître que je suis un opposant historique aux États et un ennemi des États, je crois qu'il est difficile de ne pas reconnaître que tout ça... On est dans la manipulation et la neutralisation, dans des stratégies de manipulation et de neutralisation. Pourquoi ? Aussi bien en Algérie qu'au Maroc. En 20 ans après, pour ce qui est de l'Algérie, l'enseignement a commencé en septembre 1995. Les derniers chiffres officiels de l'éducation nationale algérienne nous donnent, alors que l'enseignement, c'est sur la base d'un statut de langue nationale et d'un enseignement qui devrait être étendu à l'ensemble du territoire national, on a à peu près 3% des élèves potentiellement bénéficiaires de cet enseignement qui le reçoivent. On a des chiffres extrêmement précis par département, etc. Il y a un dossier très complet. 3% de la population scolaire potentiellement concernée qui reçoit cet enseignement censément national. Et les textes sont très clairs, ça devait être étendu à l'ensemble du territoire national. Bon. Et bien entendu, ça pour nous c'est passionnant, ça montre bien l'inanité, mais ça a une signification politique fondamentale, immédiate. Spécialiste du domaine breton, vous allez parfaitement comprendre parce que l'inspiration est française en réalité. Je vous renvoie à la charte européenne, elle est vraiment française. La réalité, c'est quand on regarde ces chiffres algériens, 90% de ces élèves qui reçoivent un enseignement facultatif de langue berbère, primaire, collège, secondaire, dans le lycée, 90% sont en Kabylie. 9,5% dans les Aurès et le reste dans le territoire algérien. C'est-à-dire que la réalité au fond de la base, l'existence d'une base territoriale et régionale et donc d'un problème territorial, elle est évidente et flagrante. Et c'est exactement la même chose au Maroc. C'est même pire au Maroc. Pourquoi ? Parce que censément, les textes marocains stipulent que ce n'est pas, c'est un enseignement obligatoire. Or, les chiffres officiels, les plus récents, donnent à peu près 12% des enfants potentiellement donc, concernés qui reçoivent réellement cet enseignement. Moi, j'ai des chiffres internes de l'éducation nationale marocaine, ça c'est les services de renseignement berbère qui fonctionnent bien, qui sont plutôt du côté de 3%. Bon. Et les responsables, les plus hauts responsables qualifiés comme le recteur de l'IRCA, Mohamed Boukous, qui est un berbérisant émérite d'ailleurs, reconnaissent que l'enseignement est un échec. Et en fait, quand on regarde la répartition géographique, c'est là aussi exclusivement ce qui existe, c'est exclusivement les zones berbérophones, essentiellement le domaine Chleu. Autre aspect tout à fait explicite au-delà de l'inconsistance de la traduction factuelle de cette prise en charge par les États, c'est l'inconsistance juridique réelle. C'est qu'à côté de la proclamation d'un statut constitutionnel, vous avez tout un ensemble de textes qui demeurent valides et qui réaffirment très clairement, je pourrais vous les citer, le code de procédure civile et administrative qui stipule expressément que tout document doit être en langue arabe et sous peine de nullité. C'est le décret concernant l'enseignement privé en Algérie qui date de 2005, qui est donc postérieur au statut de langue nationale, qui stipule que tout l'enseignement est en langue arabe. Enfin, je vais vous les lire très expressément, hein, il n'y a pas de discussion possible là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'en même temps, on est dans des pays, si vous voulez, où les textes juridiques et constitutionnels ne signifient à peu près rien. Hein ? Et on peut dire une chose et son contraire sans aucune difficulté. Je vais essayer de vous les retrouver. Mais enfin, vous, faites-moi confiance, je vous les donnerai, les références. Tous les textes relatifs à la langue, à l'usage de la langue, au niveau de l'État, réaffirme le caractère exclusif de la langue arabe, tout en affirmant que c'est aussi langue officielle, etc. Et alors, ce qui est passionnant, moi, j'ai beaucoup travaillé au moment du débat sur la ratification de la charte européenne, puisque le berbère a été pris en considération dans les débats, c'est que les textes de reconnaissance stipulent expressément, et là on croirait qu'ils sont allés copier les textes de Carcassonne, tels quels. Je vais vous citer, excusez-moi, c'est à la fin, c'est dans une annexe, donc je vais vous citer. Vous allez voir quasiment le texte de la consultation juridique de Guy Carcassonne à propos de la charte européenne. On se croirait tout à fait en France. La constitution marocaine, article 5, 1er juillet 2011, qui n'a eu aucune traduction concrète. Hein, des lois. Et je terminerai là-dessus. 1er juillet 2011. Le référendum constitutionnel reconnaît le statut de langue officielle au berbère. Article 5. L'arabe demeure la langue officielle de l'État. L'État œuvre à la protection et au développement de la langue arabe, ainsi qu'à la promotion de son utilisation. Point. De même, l'amazir, donc le berbère, constitue une langue officielle. Hein ? L'arabe demeure la langue officielle de l'État. Et l'amazir constitue une langue officielle de l'État, et c'est là où vous retrouvez Carcassonne, et surtout Cerqueglini, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception. Et c'est exactement la formulation de la constitution algérienne. On reconnaît le berbère comme langue nationale de tous les Algériens. C'est-à-dire qu'on est dans le déni de réalité sociolinguistique et dans l'appropriation par l'État d'un patrimoine expressément défini, ce sont les termes de Carcassonne et de Cerchiglini, comme patrimoine indivis de la nation. Donc, c'est l'État central qui décide de manière unilatérale de sa position, de son implémentation sociale et de son avenir. Au fond, pour le linguiste, le sociolinguiste, on est dans le déni de réalité évidente. Hein, c'est, vous savez, cette formule, moi j'avais trouvé, bon, Cerchiglini était un ami, hein, c'est pas, enfin, par un linguiste écrire que le breton n'est pas la propriété des bretons, etc. C'est nier toute réalité de ce qu'est une langue, la définition même d'une langue en tant qu'outil de communication et d'expression culturelle d'une communauté sociale et historique définie. Au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière ? La stratégie algérienne et marocaine est explicite, elle reprend la stratégie française, c'est la patrimonialisation. Au fond, vous vous agitez, on va vous reconnaître en tant qu'élément du patrimoine culturel de la nation. Mais il est évident que les choses sérieuses, c'est pas vous, c'est l'arabe, éventuellement le français de plus en plus. Voilà, je vous remercie, j'ai été très long, excusez-moi. Bien le préalable.